avance lorsque l'été commence, il faut en profiter. Viens, c'est le temps des vacances, laisse aux dames prudence quelque temps de côté. Viens, ne crie pas au frivole si parfois je vole l'ombre d'un baiser. Viens, qui disait que les roses, dès qu'elles sont écloses, aussi vite sont déjà fanées. Viens, qu'un petit amour, viens qu'un petit tour, mais qui fait rêver. Déchanter. Bonheur étoile filante, jamais on ne t'invente pour plus d'un été. Chante que c'est notre vol, seul, seul, seul, la seul, seul, fa, fa, fa, fa, seul, là. Avant que ne s'étiole l'aventure un peu folle qui vient te jeter dans mes bras. Rien, rien qu'une chanson, qu'un bout de chanson. Ça fait.